des rêves qu'on peut toucher et du bonheur à partager. Donne-moi de l'amour, du vrai, du pur, celui qui guérit les blessures. Donne-moi du poil à caresser, donne-moi de la complicité. Il y a trop de gamins qui ont du poil aux pattes, se prennent pour des hommes, mais jouent encore au Lego. J'en ai connu un, tombé d'un cargo. Du fond de son bain, il se prenait pour un pirate. Mon cousin Fred, qui est garde-côte, passé week-end à jouer à Robin des Bois. Et mon voisin, qui bosse au bar tabac, espère toujours devenir cosmonaute. Donne-moi un mec, un beau, un dur, pas un héros de littérature, qu'il ait des rêves qu'on peut toucher et du bonheur à partager. Donne-moi de l'amour, du vrai, du pur, celui qui guérit les blessures. Donne-moi du poil à caresser, donne-moi de la complicité. Même si c'est beau d'espérer d'avoir des rêves, que ça rend heureux, que ça donne des ailes, c'est pas ça qui va faire la vaisselle. Tiens, prends-toi pour Frost et descends la poubelle. Quand il arrive que le rêve soit hors d'usage, et rares sont ceux qui ne passent pas par là. La chute est rude et sérieux les dégâts, et on recommence tant qu'on a du courage. Donne-moi un mec, un beau, un dur, pas un héros de littérature, qu'il ait des rêves qu'on peut toucher et du bonheur à partager. Donne-moi de l'amour, du vrai, du pur, celui qui guérit les blessures. Donne-moi du poil à caresser, donne-moi de la complicité. Donne-moi un mec, un beau, un dur, pas un héros de littérature, qu'il ait des rêves qu'on peut toucher et du bonheur à partager. Donne-moi de l'amour, du vrai, du pur, celui qui guérit les blessures. Donne-moi du poil à caresser, donne-moi de la complicité.